Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. De l'ordre. Explication. Le sacrement de l'ordre veut que nous traitions, premièrement, de la nature de l'ordre en général, de ses effets, des qualités requises dans les ordinants, deuxièmement, de la distinction à établir entre les divers ordres, troisièmement, du ministre de ce sacrement, quatrièmement, des empêchements qui peuvent se rencontrer dans les ordinants, cinquièmement, enfin, de certains accessoires de l'ordre. Question 34. Du sacrement de l'ordre, considéré dans sa nature et ses parties. Convenance d'un ordre dans l'Église. Définition de l'ordre. Que, l'ordre est un sacrement, sa forme, sa matière. 1. Doit-il y avoir un ordre dans l'Église? Saint Paul écrivait, tout ce qui vient de Dieu a été ordonné. Romains 13, 1. L'Église vient de Dieu, qui l'a lui-même cimenté de son sang. Donc elle a son ordre, elle tient, en effet, une sorte de milieu entre le monde de la nature et le monde de la gloire. Or, dans le monde de la nature, certains êtres sont supérieurs à d'autres, et il en est de même dans le monde de la gloire, comme on le voit par les anges. Dieu a produit, autant que cela était possible, ses œuvres à sa ressemblance, afin que leur perfection servît à le faire connaître, or, pour être représenté par elle, non seulement dans ses propres attributs, mais encore dans l'action qu'il exerce sur ses créatures, il a imposé à l'univers entier cette loi naturelle, que les êtres inférieurs seraient dirigés et perfectionnés par ceux d'une nature moyenne, et ceux-ci par les êtres d'une nature supérieure. Ne pouvant pas priver l'Église de ce genre de beauté, il y a établi un ordre d'après lequel, comme dans le corps humain où certains membres influent sur les autres, certains hommes retracent à quelques égards sa ressemblance par leur coopération à son action divine, en dispensant les sacrements aux autres. 2. A-t-on convenablement défini le sacrement de l'ordre ? La définition donnée par le maître des sentences Pierre Lombard nous paraît très bonne, la voici, l'ordre est un sceau par lequel l'Église confère un pouvoir spirituel à celui qu'elle consacre. Cette définition, qui convient à l'ordre, en tant qu'il est un sacrement de l'Église, en exprime à la fois le signe extérieur par le mot sceau, et l'effet intérieur par ses autres paroles, un pouvoir spirituel. 3. L'ordre est-il un sacrement? Tout le monde convient que l'ordre est un sacrement, il le faut bien, puisque c'est lui qui rend capable d'administrer les autres sacrements. Un sacrement est une sanctification communiquée à l'homme par certains signes visibles. Dans la réception de l'ordre, l'homme est non seulement sanctifié, mais consacré à Dieu par certains signes extérieurs. L'ordre est donc un sacrement. 4. La forme de ce sacrement est-elle exprimée en termes convenables? La forme dont l'Église se sert pour conférer l'ordre est très convenable, elle marque quel usage on doit faire de ce sacrement et quel pouvoir y est transmis. Note. Il serait trop long de rapporter les paroles que prononce l'évêque dans l'ordination du prêtre, du diacre et du sous-diacre. On peut consulter le pontifical romain. Le mode impératif, fait ou recevez, dont on se sert dans la formule de l'ordination, montre le pouvoir de l'évêque et donne à entendre que le pouvoir d'ordre en est une dérivation. Fin de la note. 5. Ce sacrement a-t-il une matière? Les sacrements consistent dans des choses et dans des paroles, Celui de l'ordre a pour matière les choses mêmes dont il fait usage. Constatons, toutefois, une différence entre cette même matière et celle des autres sacrements. La matière de ceux-ci, dans lesquels l'effet produit vient de Dieu et non du ministre, contient principalement et signifie tout à la fois, en vertu de la sanctification qu'elle reçoit par le ministre, la vertu divine, au lieu que, dans l'ordre, où le pouvoir spirituel découle aussi du ministre qui confère ce sacrement, la matière sert moins à produire ce pouvoir particulier, transmis par celui qui en possède la plénitude, qu'à le rendre sensible. Note. Voilà pourquoi la présentation de la matière est plus essentielle à l'ordre que son contact. Mais, cependant, les paroles de la forme semblent montrer qu'il faut toucher cette même matière pour la validité de ce sacrement. Elle porte, recevez ceci ou cela. Question 35. Des effets de l'ordre. La grâce sanctifiante. Le caractère. Condition de ces effets. Le caractère baptismal. L'ordinant doit-il être confirmé? Est-il nécessaire qu'il ait reçu les ordres inférieurs? 1. Le sacrement de l'ordre confère-t-il la grâce sanctifiante? Quiconque reçoit d'en haut un pouvoir particulier reçoit aussi la grâce de l'exercer dignement. La grâce sanctifiante est nécessaire pour administrer dignement tous les sacrements, non moins que pour les recevoir dignement. De même donc que le baptême, qui donne l'aptitude à recevoir les autres sacrements, confère la grâce sanctifiante, le sacrement de l'ordre, par lequel on devient apte à les administrer tous, doit aussi la conférer. Note. Ce sacrement présuppose la grâce sanctifiante dans le sujet auquel il est conféré, mais il ne suffit pas d'un degré quelconque de sainteté pour exercer dignement les fonctions des ordres. Il faut au ministre de Dieu une vertu éminente qui les élève autant au-dessus des simples fidèles que l'ordre même qu'ils ont reçu. Fin de la note. 2. L'ordre pris dans tous ses degrés imprime-t-il un caractère? Le caractère est un signe qui sert à distinguer les chrétiens. Or l'ordre, à tous ses degrés, établit une distinction entre celui qui le reçoit et les autres fidèles. Il imprime donc toujours un caractère. Quelques indices que ce privilège est réservé à l'ordre sacerdotal, mais leur opinion est fausse, puisque les diacres exercent, en vertu d'un pouvoir spirituel relatif au sacrement, des fonctions interdites aux personnes qui n'ont pas reçu l'ordre du diaconat. D'autres prétendent que les ordres majeurs seuls impriment un caractère. Cette opinion n'est pas mieux fondée que la première. Un ordre quelconque élève celui qui le reçoit au-dessus du simple peuple, en lui conférant un certain pouvoir relatif à l'administration des sacrements. Si le caractère n'est autre chose qu'un signe qui distingue certains fidèles des autres, il faut dire que tous les ordres l'impriment. L'Église, qui n'en réitère aucun, nous le fait d'ailleurs entendre. 3. Le caractère de l'ordre présuppose-t-il celui du baptême? Oui, évidemment, le baptême est la porte des sacrements. L'homme qui n'aurait pas le caractère qu'il confère, ne pourrait pas en recevoir un seul. Note. Celui qui serait promu au sacerdoce sans avoir été baptisé ne pourrait ni consacrer, ni absoudre, il ne serait pas prêtre. Il faudrait, d'après les canons, le baptiser et l'ordonner ensuite. S'il avait été élevé à l'épiscopat, il n'aurait conféré le caractère de l'ordre à personne. Mais on peut croire pieusement que Jésus-Christ, le souverain prêtre, suppléerait l'effet définitif des sacrements, et qu'il ne permettrait pas qu'il résultât de ce mal un danger réel pour l'Église. Fin de la note. 4. L'ordre présuppose-t-il nécessairement le caractère de la confirmation ? L'ordre présuppose le caractère de la confirmation, non comme absolument nécessaire, mais comme une chose convenable. L'ordinant doit avoir toutes les qualités qui peuvent l'aider à exercer les fonctions de l'ordre qu'il désire recevoir. Note. Le Concile de Trente défend de donner même la tonsure à quelqu'un qui n'a pas été confirmé. Ce n'est là, toutefois, qu'un précepte ecclésiastique qui n'atteint pas la validité du sacrement. Fin de la note. 5. Un ordre présuppose-t-il de toute nécessité le caractère d'un autre ? Il n'est pas absolument nécessaire que celui qui reçoit les ordres majeurs ait auparavant reçu les ordres mineurs, ses pouvoirs sont séparés, l'un ne suit pas l'autre de toute nécessité dans le même sujet. Au temps de la primitive Église, on ordonnait prêtres des hommes qui remplissaient les fonctions des ordres inférieurs qu'ils n'avaient pas reçus. Dans la suite des siècles, l'Église a décidé que l'on élèverait plus aux ordres majeurs celui qui n'aurait pas passé par les ordres moindres. Quoi qu'il en soit, ceux qui auraient été ordonnés per saltum ne seraient point réordonnés, bien que l'on dût, conformément au canon, leur suppléer les ordres inférieurs qu'ils n'auraient pas reçus. Note. Il n'y a d'exception que pour l'épiscopat, qui serait nul sans la prêtrise. Voir question 40, article 5. Question 36. Des qualités requises dans les ordinants. Que la sainteté de vie est nécessaire, de la science. Le pouvoir d'ordre est attaché au sacrement et non au mérite de la vie. Quel péché on commet en ordonnant des indignes, ou en exerçant les fonctions de son ordre en état de péché ? 1. La sainteté de vie est-elle requise dans les ordinants ? Rien, disait très bien saint Jérôme, ne contribue autant à la destruction de l'Église de Dieu que les clercs qui le cèdent en vertu aux laïcs. De même, selon la remarque de saint Denis, que les substances les plus pures, pénétrées par les rayons du soleil, deviennent resplendissantes et répandent, comme de nouveaux soleils, l'éclat de leur lumière sur les corps qui les environnent. Ainsi faut-il que celui qui s'ingère dans le ministère divin, en se donnant aux autres pour guide, ce soit rendu très semblable et très conforme à Dieu par l'imitation des perfections divines. Donc, puisque tous les ordres donnent, dans les choses divines, une certaine préséance à celui qui les reçoit, ce serait se rendre mortellement coupable du péché de présomption que de s'y présenter avec un péché mortel sur la conscience. Ce n'est pas que la sainteté de vie soit essentielle pour la validité du sacrement, mais elle est requise de nécessité de précepte. 2. Faut-il, pour recevoir les ordres, connaître toute l'écriture sainte ? On lit, dans les vies des pères, que de simples moines ont été promus au sacerdoce uniquement pour leur sainteté. Pour bien remplir les fonctions d'un ordre, il faut une science suffisante de son exercice. On doit la requérir des ordinants, sans exiger qu'ils sachent à fond toute l'écriture sainte. L'Église leur demande une érudition plus ou moins grande à proportion du ministère qui leur sera assigné. Il est nécessaire, par exemple, que ceux qui doivent être préposés au gouvernement des âmes sachent enseigner la foi et les mœurs, il suffit aux autres de connaître ce qui concerne leur ordre. Note. Les prêtres ont deux sortes de fonctions à remplir, l'une regarde le corps réel de Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, l'autre est relative à son corps mystique. Ceux qui ne sont promus au sacerdoce que pour remplir la première de ces fonctions, Les religieux, par exemple, à qui on ne donne pas charge d'âme, n'ont besoin que du degré de science nécessaire à l'offrande du saint sacrifice. Les autres doivent connaître la loi divine, non au point de pouvoir résoudre toutes les difficultés, il convient à cet égard d'avoir recours aux supérieurs, mais de manière à pouvoir enseigner aux fidèles ce qu'il faut croire et pratiquer. Les évêques sont obligés à une science plus étendue. Fin de la note. 3. Peut-on acquérir par le mérite d'une vie sainte les divers ordres? Les mérites d'une vie sainte se perdent parfois, les degrés des ordres, jamais. Comme les ministres de l'Église confèrent, par les sacrements, la grâce dont la plénitude est en Jésus-Christ, et non leur propre grâce, c'est uniquement de leur participation au sacrement de l'ordre, et non pas de la grâce qu'ils possèdent, que doivent se prendre les différents ordres. 4. L'évêque y ordonne des indignes pêche-t-il? Le spirituel l'emporte sur le temporel. Si on peut pécher mortellement par l'atteinte au bien temporel, à plus forte raison pêche-t-on de la sorte en compromettant les biens spirituels, et c'est ce qui a lieu dans l'ordination d'un sujet indigne. Le peuple méprise les enseignements des ministres dont il condamne la conduite, et du mépris des enseignements il passe à celui des biens spirituels dont ils sont les dispensateurs. Traçant le portrait du serviteur fidèle, le Seigneur fait observer que, placé au-dessus d'une famille, il dispense à chacun sa mesure de froment. Il faut en conclure que celui-là est un fidèle qui dépasse la mesure dans la distribution des mystères divins. Tel est le crime de l'évêque qui ordonne des sujets indignes. Il se rend coupable d'une infidélité d'autant plus grande que son action nuit beaucoup à l'Église et à la gloire de Dieu. Note. L'Église préfère, comme l'a dit saint Clément, un petit nombre de bons prêtres à un grand nombre de mauvais. C'est un devoir pour l'évêque de s'assurer, au moins par le témoignage d'autrui, que les ordinants ont les qualités nécessaires. Il doit se souvenir de ces paroles de saint Paul à Timothée, « N'imposez précipitamment les mains à personne. » 1 Timothée 5, 22. Fin de la note. 5. Quelqu'un qui se trouve en péché mortel peut-il, sans un nouveau péché, remplir les fonctions de son ordre? Saint Denis disait, celui qui exerce indignement les fonctions sacerdotales est un téméraire qui n'a ni crainte, ni respect en présence des divins mystères. Croit-il que Dieu ignore ce qui est dans sa conscience, et que, en l'appelant faussement son Père et en prononçant, au nom même de Jésus-Christ, sur les divins symboles, non pas des prières, mais d'immondes paroles, il saura bien le tromper? On le voit, un prêtre est coupable d'imposture et de blasphème quand il exerce indignement les fonctions de son ordre. Or, pour cela, il suffit qu'il soit en état de péché mortel. Donc il y commet un nouveau péché, et la même chose doit se dire de tout autre ministre des autels, car remplir en état de péché mortel une fonction de son ordre, c'est la remplir indignement. Note. Un ministre n'est pas dans la nécessité de pécher, rien ne l'empêche de sortir de son état coupable ou de résilier ses fonctions. Les choses saintes veulent être traitées saintement. Fin de la note. Question 37. De la distinction des ordres entre eux, de leurs fonctions et du caractère qu'ils impriment. On doit admettre cet ordre distinct. Il y a des ordres sacrés et des ordres non sacrés, fonction de chaque ordre. À quel moment de l'ordination le caractère de l'ordre est conféré à l'ordinant? 1. Y a-t-il plusieurs ordres? Si l'Ancien Testament donnait à ses prêtres et à ses lévites une consécration particulière, le Nouveau Testament, qui lui est très supérieur en dignité, doit, à plus forte raison, consacrer ses ministres. La pluralité des ordres existe dans l'Église pour trois causes. Elle fait admirer la sagesse de Dieu, qui se révèle surtout par l'harmonie et par la distinction des choses, comme le marque l'histoire de la reine de Saba, ravie hors d'elle-même à la vue de l'ordre qui régnait parmi les serviteurs de Salomon. 3 Rois 10, 5. Elle soulage la faiblesse humaine, un seul ministre aurait été trop surchargé, elle y pourvoit en assignant à plusieurs une fonction particulière. Ainsi Dieu donna à Moïse, pour l'aider dans ses fonctions, 70 vieillards choisis d'entre le peuple. Elle facilite aux hommes le progrès dans la perfection. Les fonctions saintes se trouvent de la sorte partagées entre un grand nombre de ministres, devenus les coopérateurs de Dieu même. 2. Y a-t-il cet ordre ? Le sacrement de l'ordre se rapporte à celui de l'Eucharistie, car si, pour le sacrement des sacrements, le temple, l'autel, les vases et les ornements ont besoin d'être consacrés, les ministres qui exercent des fonctions relatives à ce même sacrement, le plus auguste de tous, n'ont pas moins besoin d'une autre consécration que donne le sacrement de l'ordre. La distinction des ordres doit donc être prise de leur rapport avec l'Eucharistie. Le pouvoir d'ordre a-t-il pour objet la consécration du corps et du sang de Jésus-Christ ? C'est le sacerdoce, et voilà pourquoi, dans l'ordination, les prêtres reçoivent de l'évêque le calice avec le vin, et la patène avec le pain, comme signe du pouvoir de consacrer le corps et le sang du Christ. Le pouvoir d'ordre a-t-il pour objet quelques fonctions subalternes relatives à l'Eucharistie ou aux fidèles qui la reçoivent ? Dans le premier cas, la coopération des ministres a lieu de trois manières. L'une consiste à aider le prêtre, non dans la consécration, qui le regarde seul, mais dans la dispensation du sacrement, et cette fonction est celle du diacre. L'autre à en préparer la matière dans les vases destinés à le contenir, ce qui regarde l'ordre du sous-diacre. La troisième, à présenter cette matière, et tel est l'office de l'acolyte, qui prépare les burettes avec le vin et l'eau. Quant au ministère établi pour disposer les fidèles à l'Eucharistie, il ne peut s'exercer que sur ceux dont la conscience n'est pas pure. Les portiers sont chargés d'interdire aux infidèles tout accès au divin mystère, les lecteurs, d'instruire les catéchumènes, et les exorcistes, de chasser les démons. On voit par cette explication la raison du nombre des ordres et le rang qui leur appartient. Note. Dans la primitive Église, tous les ministères inférieurs étaient confiés aux diacres. Le culte divin ayant pris plus d'extension par la suite, l'Église partagea en plusieurs classes les pouvoirs inférieurs, concentrés d'abord dans un seul ordre qui les embrasse tous implicitement. Fin de la note. 3. Doit-on distinguer les ordres en ordre sacré et en ordre non sacré ? Un ordre peut être dit sacré en deux sens. Premièrement, en lui-même, et, en ce sens, tout ordre est une chose sacrée, c'est-à-dire un sacrement, secondement, sous le rapport de la matière sur laquelle il exerce ses fonctions, et, dans cette autre acception, celui-là est sacré qui fonctionne sur une matière consacrée. Il y en a trois de ce dernier genre, le sacerdoce et le diaconat, dont l'action s'exerce sur le corps et le sang consacré du Christ, puis le sous-diaconat, qui exerce la sienne sur les vases sacrés. Ce sont les seuls qui astreignent à la continence. 4. Le maître des sentences assigne-t-il bien les fonctions des différents ordres? Si, comme nous l'avons reconnu, l'ordre se rapporte à l'Eucharistie, la principale fonction de chaque ordre est celle qui y touche de plus près, et, pour la même raison, un ordre l'emporte sur un autre du moment que l'une de ses fonctions s'y rattache plus prochainement. D'un autre côté, il ne faut pas être surpris qu'un ordre, outre sa fonction principale, en ait plusieurs autres à remplir. Plus il sera éminent, plus sera grande sa puissance, et plus il embrassera d'objets. Note. Tels sont les principes qui ont dirigé le maître des sentences. Parmi les fonctions du prêtre, il range l'absolution, préparation prochaine à l'Eucharistie, et l'offrande des oblations, qui ne peuvent être présentées immédiatement à Dieu, au nom de l'Église, que par un ministre investi du pouvoir de consacrer le sacrement de l'Église universelle. Comme les oblations que présente le prêtre ont été fournies par les fidèles, il y est besoin de deux autres ministères. Le sous-diacre, qui tient la place du peuple, les dépose sur l'autel ou les présente au diacre, et le diacre, dont les fonctions consistent à assister le prêtre, les sert au prêtre lui-même. La doctrine est une préparation à la réception de l'Eucharistie, de là vient que le diacre lit l'Évangile, et le sous-diacre l'Épître. L'action de l'acolyte s'exerce sur les burettes vides, celle du sous-diacre, sur le vin et l'eau contenue dans les burettes, celle du diacre, sur le calice vide, celle du prêtre, sur ce qui est contenu dans le calice. Aussi le prêtre reçoit-il dans son ordination le calice préparé avec l'eau et le vin, le sous-diacre, le calice vide et les burettes garnies, l'acolyte, les burettes vides. Les fonctions de l'acolyte sont les plus rapprochées de celles des ordres majeurs, et cela est vrai même de ses fonctions secondaires. Il figure, par le cierge qu'il porte, la doctrine du Nouveau Testament, le lecteur représente seulement l'ancienne alliance. Les ordres d'exorciste et de portier se rattachent aux fonctions secondaires du prêtre, qui sont de lier et de délier. Il existe, on le voit, entre les divers ordres une progression très régulière. Le prêtre a pour coopérateur, dans sa fonction principale, qui est la consécration du corps du Christ, les ministres des ordres les plus rapprochés du sien, et, dans ses fonctions secondaires, qui consistent à lier et à délier, les ministres de tous les ordres inférieurs au sien. D'autres que les minorés peuvent remplir licitement les fonctions des ordres mineurs, mais ils ne le font pas d'office. Fin de la note. 5. Est-ce à la présentation du calice que le prêtre reçoit le caractère sacerdotal? L'évêque, dans l'ordination, fait deux choses, il prépare les ordinants pour l'ordre qu'ils vont recevoir, et il leur confère cet ordre même. La bénédiction donnée à tous, l'imposition des mains sur les prêtres et sur les diacres, l'onction faite sur les prêtres seuls, sur le calice et sur la patène, appartiennent à la préparation. La fonction principale du prêtre étant de consacrer le corps et le sang du Christ, c'est au moment où l'évêque présente le calice à l'ordinant, en prononçant les paroles sacramentelles, que celui-ci reçoit le caractère sacerdotal. Note. Le pouvoir du diacre, qui tient le milieu entre celui du prêtre et celui du sous-diacre, mais qui ne s'exerce directement ni sur le corps du Christ, ni sur les vases sacrés, ne pouvait être exprimé ni par la présentation des vases sacrés, ni par celle de la matière, il est signifié par sa fonction secondaire, laquelle consiste à lire l'Évangile. Par conséquent, c'est en recevant le livre des Évangiles que le diacre est ordonné. Question 38. Du ministre de ce sacrement. L'évêque a seul le pouvoir de conférer les ordres sacrés, ce qu'il faut penser de l'ordination chez les hérétiques. 1. L'évêque seul confère-t-il le sacrement de l'ordre ? Il en est du pouvoir épiscopal dans l'Église comme de la souveraineté politique dans un État. L'évêque assigne aux ordres inférieurs leur ministère, seul. Il consacre les sujets auxquels il veut les confier, seul aussi, il détermine à chacun, en le consacrant, les vases dont il devra se servir. C'est ainsi que les fonctions séculières sont distribuées, dans les gouvernements, par le souverain qui y possède la plus haute autorité. Note. Les prêtres présents à l'ordination imposent les mains aux sujets qui sont ordonnés pour le sacerdoce, l'archidiacre présente aux ministres inférieurs les instruments dont ils auront à se servir, et le pape peut autoriser un simple prêtre à conférer les ordres mineurs. Tout cela est vrai, mais il n'en faut pas inférer que l'évêque n'est pas le seul qui confère les ordres. L'imposition des mains ne constitue pas l'ordination, l'archidiacre ne fait qu'aider l'évêque, le pape ne peut point charger un simple prêtre de conférer les ordres sacrés. Fin de la note. 2. Les hérétiques, et en général tous ceux que l'Église a retranchés de son sein, peuvent-ils conférer les ordres ? Si un évêque hérétique vient à se réconcilier avec l'Église, on ne le sacre pas de nouveau, donc il n'avait pas perdu le pouvoir radical de conférer les ordres. 4 opinions différentes, exposées par le maître des sentences, ont été produites à ce sujet. Voici la seule vraie, les sacrements conférés par les hérétiques sont valides, et cependant ils ne donnent pas la grâce, non qu'ils soient inefficaces en eux-mêmes, mais à cause du péché de celui qui les reçoit contre la défense de l'Église. Note. Un hérétique ne peut pas absoudre, il ne confère pas la grâce en administrant les sacrements, et, d'ailleurs, toute juridiction lui est ôtée. L'ordre conféré par des évêques hérétiques est réel, bien que le sujet qu'il a reçu ne puisse en exercer licitement les fonctions. Question 39. Des empêchements de l'ordre. Pourquoi le sexe féminin est un empêchement absolu, du défaut d'âge, de l'esclavage, de l'homicide, de l'illégitimité de la naissance, de la mutilation des membres? 1. Le sexe féminin est-il un empêchement de l'ordre? Je ne permets point à la femme d'enseigner, ni d'exercer aucune domination sur l'homme. 1 Timothée 2, 12. Tout sacrement est un signe pour lequel il faut une cérémonie qui ait la signification voulue. L'état de la femme étant un état de sujétion, le sexe féminin ne saurait signifier une supériorité de rang, et dès lors les femmes ne peuvent pas recevoir le sacrement de l'ordre. Si, dans le droit canon, il est fait mention de diaconesse et de prêtresse, il faut simplement entendre, par les premières, les femmes qui ont à remplir des fonctions semblables à celles du diacre, et, par les secondes, les veuves. Le mot prêtre, par son étymologie, signifie une personne âgée. Note. Les abbesses ont, par délégation, certains pouvoirs qui leur sont accordés pour éviter la présence d'un homme avec des femmes. Fin de la note. 2. Les enfants et ceux qui sont privés de l'usage de la raison peuvent-ils recevoir les ordres? L'ordre est un des sacrements qui, pour leur validité, ne requièrent point une action de la part du sujet auquel ils sont conférés, bien qu'ils lui donnent un pouvoir spirituel, dont Dieu est la source. Il paraît certain que ce sacrement est valide, alors même qu'il est conféré avant l'âge de discrétion, soit à des enfants, soit à toute autre personne privée de l'usage de la raison. Quoi qu'il en soit, pour les ordres majeurs, il est nécessaire d'attendre l'âge de discrétion, cela convient, et l'Église en a fait une loi. Il faut excepter surtout l'épiscopat, qui, pour être valide, ne doit pas prévenir l'usage de la raison, à cause de la responsabilité qu'assume celui qui le reçoit. Note. L'auteur ne dit pas que ce soit à peine de nullité qu'il faut attendre l'usage de la raison pour conférer les ordres majeurs, il semble, au contraire, disposé à les regarder comme valides sans cette condition. Il n'accepte que la consécration des évêques, à raison de la responsabilité qui y est attachée. Le Concile de Trente a défendu de donner la tonsure aux enfants avant l'âge de 7 ans. Pour le sous-diaconat, il faut 21 ans accomplis, pour le diaconat, 22, pour la prêtrise, 24, pour l'épiscopat, 30. Le pape seul accorde les dispenses d'âge. Fin de la note. 3. L'esclavage est-il un empêchement de l'ordre ? L'esclave ne saurait être légitimement promu aux ordres, mais, si on les lui confère, l'ordination est néanmoins valide. La liberté des sujets n'est pas de nécessité de sacrement, elle est seulement de nécessité de précepte. Ceci est applicable à toutes les personnes qui ont contracté des engagements envers autrui, aux gens d'affaires, etc. 4. L'homicide est-il un empêchement de l'ordre ? Tous les ordres se rapportent à l'Eucharistie, symbole de la paix que Jésus-Christ nous a légué par l'effusion de son sang, or rien n'est plus opposé que l'homicide à l'idée de paix. D'un autre côté, tout homicide ressemble au bourreau du Sauveur beaucoup plus qu'au Sauveur immolé, modèle des prêtres. Pour cette double raison, l'Église défend d'élever aux ordres aucun homicide. Cette loi n'emporte pourtant pas la nullité du sacrement. Note. Il n'est pas nécessaire d'avoir péché pour contracter l'irrégularité. Les juges et tous ceux qui concourent à une exécution sanglante sont irréguliers. Toutefois, le meurtre accidentel et involontaire ne la ferait pas encourir. Fin de la note. 5. Les enfants illégitimes sont-ils exclus des ordres ? Les ministres de l'Église doivent être environnés de la considération publique. Le vice de la naissance imprimant une tache, les enfants nés d'un commerce criminel sont exclus des ordres. Plus leur origine est infamante, plus l'Église accorde difficilement dispense de cet empêchement. Note. L'empêchement de la naissance résulte seulement d'une loi de l'Église, il n'invalide pas le sacrement. Fin de la note. 6. L'absence d'un membre du corps est-elle un empêchement de l'ordre ? L'Église exclut des ordres les hommes que la mutilation d'un membre empêcherait d'en remplir les fonctions, ou sur lesquels cette mutilation attirerait avec défaveur les regards du public. Dans les autres cas, un vice de ce genre n'interdit pas l'entrée du saint ministère. La difformité dont nous parlons n'empêche pas la validité du sacrement de l'ordre. Question 40. De certaines choses qui se rattachent à l'ordre. La tonsure, l'épiscopat, la papauté, les vêtements. 1. Ceux qui sont ordonnés doivent-ils porter la tonsure ? Il convient que ceux qui ont reçu les saints ordres portent la tonsure, symbole à la fois de royauté, de perfection et de détachement des choses qui détournent de la contemplation des perfections divines. 2. La tonsure est-elle un ordre? La tonsure est une préparation aux ordres, et non un ordre. 3. Celui qui reçoit la tonsure renonce-t-il au bien temporel? Les clercs sont initiés par la tonsure au culte divin, qui, pour être incompatible avec l'affection déréglée au bien temporel, ne l'est pas avec leur possession même, en la recevant, ils ne renoncent ni à leur patrimoine, ni à leurs autres biens. 4. Y a-t-il dans l'Église un pouvoir épiscopal qui s'élève au-dessus de l'ordre sacerdotal? Il doit régner dans le ministère divin une harmonie plus parfaite que dans les administrations simplement humaines. S'il faut dans une armée un général, et dans chaque province un chef, il doit y avoir, à plus forte raison, dans l'Église, quelqu'un au-dessus des prêtres qui en soit comme le prince. Or ce prince ou chef, c'est l'évêque. Que les prêtres, dans leur fonction principale, qui consiste à consacrer le corps de Jésus-Christ, possèdent un pouvoir indépendant de toute autorité supérieure autre que celle de Dieu, cela est incontestable, mais il en est autrement de leur fonction secondaire. Subordonné à une puissance supérieure, le pouvoir de lier et de délier ne peut être exercé que par ceux qui ont reçu de l'évêque une juridiction sur les fidèles qu'ils doivent absoudre. Il y a donc dans l'Église un pouvoir épiscopal qui s'élève au-dessus de l'ordre sacerdotal, dont il doit régler les fonctions secondaires. Note. Jésus-Christ, image typique de tous les ministres, réunissait dans sa personne toutes les fonctions ecclésiastiques. Cela n'empêche pas qu'il n'y ait entre ses ministres des supérieurs qui le représentent dans un plus haut degré de perfection, et tels sont les évêques, qui, en tant qu'il a institué des ministres et fondé l'Église, sont ses représentants. Fin de la note. 5. L'épiscopat est-il un ordre? Le mot ordre peut se prendre dans deux exceptions. Désigne-t-il un sacrement? Tout ordre, en ce sens, se rapporte à l'Eucharistie. L'épiscopat, ne conférant, sous ce rapport, à l'évêque aucun pouvoir supérieur à celui du simple prêtre, n'est pas un ordre spécial. Le même mot indique-t-il un genre d'office concernant certaines actions sacrées? L'épiscopat est un ordre, l'évêque possède, relativement au corps mystique de Jésus-Christ, un pouvoir supérieur à celui des prêtres. Note. Sur cette question il y a partage d'opinion. Depuis le Concile de Trente, les théologiens pensent généralement que l'épiscopat forme un ordre particulier et constitue un vrai sacrement, qui a pour matière l'imposition des mains faites par l'évêque consécrateur, et pour forme les paroles qui accompagnent cette imposition. Fin de la note. 6. Peut-il y avoir au-dessus des évêques un supérieur dans l'Église? Saint Cyrille, évêque d'Alexandrie, disait excellemment, « Membres d'un même chef, restons unis au siège apostolique, où sont assis les pontifes romains. Notre devoir est non seulement de lui demander ce que nous devons croire et ce que nous devons faire, mais de le vénérer et de lui adresser nos supplications. Il lui appartient de reprendre, de corriger, de statuer, de disposer, de lier et de délier, à la place de celui qu'il a établi et qui lui a donné, à l'exclusion de tout autre, la plénitude de pouvoir que tous, même les plus hauts dignitaires de ce monde, reconnaissent lui appartenir de droit divin, en lui obéissant comme à notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où plusieurs administrations se rapportent à une même fin, une autorité générale doit les dominer toutes, pour faire converger vers le bien universel les biens particuliers qu'elles poursuivent, autrement. elle n'aurait point de lien d'unité. Puisque l'Église n'est qu'un seul et même corps, il lui faut de toute nécessité, pour le maintien de cette unité, un pouvoir gouvernemental qui, l'embrassant dans son ensemble, afin d'en relier toutes les parties, s'élève au-dessus du pouvoir épiscopal, à qui sont confiées les églises particulières. Ce pouvoir, c'est celui du pape. De là vient que l'on appelle schismatique ceux qui, par la négation de son autorité suprême, divise l'unité de l'Église. Il faut reconnaître, de plus, entre les évêques et le pape, des dignités de différents degrés correspondant à des circonscriptions qui en renferment d'autres, comme la province contient les cités, le royaume les provinces, et le monde entier les royaumes. Note. Que l'on ne nous objecte pas que tous les évêques sont les successeurs des apôtres, et que le même pouvoir qui fut donné à Saint-Pierre fut conféré à tous. Quoique le pouvoir de lier et de délier ait été donné généralement à tous les apôtres, il fut confié en premier lieu à Saint-Pierre seul, pour montrer qu'il doit descendre de lui sur les autres. Aussi notre Seigneur prononça-t-il cette parole au singulier, confirme tes frères, Luc 22, 32, et cet autre encore, paix mes brebis, Jean 21, 27, comme s'il eût dit, selon l'explication de Saint Chrysostome, sois, à ma place, leur supérieur et leur chef, afin que tous, me reconnaissant moi-même dans la personne, proclame et soutienne dans l'univers entier la prééminence du trône où tu seras assis. Fin de la note. 7. Les vêtements assignés aux ministres de l'Église sont-ils convenables? Il convenait que les vêtements des ministres de l'Église leur rappelassent les dispositions qu'ils doivent apporter à leurs fonctions, et c'est ce qui a lieu, comme on va le voir, l'ami, qui couvre leurs épaules, signifie la force avec laquelle tous doivent remplir les fonctions de leur ordre. L'aube, est le symbole d'une vie pure. La ceinture prêche la nécessité de réprimer la chair. Le manipule, que le sous-diacre porte au bras gauche et qui est une sorte de suaire, signifie la purification des moindres tâches. La tunique du sous-diacre symbolise la doctrine de Jésus-Christ, à laquelle le sous-diaconat initie. L'étole que le diacre porte suspendue à son épaule gauche lui rappelle l'engagement qu'il a pris d'assister le prêtre dans les sacrements. La dalmatique, vêtement large, ainsi appelée parce qu'elle fut usitée d'abord en Dalmatie, signifie que, dans la dispensation des choses saintes, le diacre doit être généreux. L'étole dont le prêtre se couvre les deux épaules représente le plein pouvoir de dispenser les sacrements. La chasuble signifie la charité, le prêtre qui la porte consacre l'Eucharistie, le sacrement d'amour par excellence. Les évêques portent, de plus, 9 ornements, qui sont, les sandales, les bas, la ceinture, la tunique, la dalmatique, la mitre, les gants, l'anneau et la crosse. Les archevêques y ajoutent le pallium, signe de leur dignité. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.